aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Aujourd'hui, je suis avec Victoria Bourri pour une émission hors série spéciale Halloween. Comment ça va, les garçons? Comment très, très bien, un peu toi. T'as un peu, t'as déjà peur. Vous aimez bien Halloween ou vous en foutez totalement comme 95% des Français? C'est trop bien Halloween, mais comme 95% des Français s'en branlent, bah on a jamais l'impression que c'est Halloween. En fait. On n'a pas la culture avec les citrouilles et la chasse aux bonbons. Enfin, on l'avait avant. Mais maintenant c'était mieux avant. Mais on aime les films. Oh là là. Les films, le jour d'Halloween. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que Victor il va enchaîner les blagues comme ça. On va parler surtout de trucs qui font peur et d'autres choses qui font peur mais pas de la même façon. Aujourd'hui, on fête Halloween dans la salle 5. Et le but, c'est quand même de vous faire découvrir des films ou des séries ou d'autres trucs qui font peur et que vous connaissez peut-être pas, et pas de ressasser mille fois les mêmes films qui ont été dont tout le monde parle tout le temps, genre Psychose, Shining, L'Exorciste, Carrie. Aidez-moi, j'en ai plus. Qui sont très très bien quand même. Oui, qui sont très très bien, mais vous les connaissez déjà, voilà. J'en sais rien, moi, des films d'horreur, B-movie, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'allais dire, Victor? J'ai vu que t'as inspiré, et puis après, je t'ai coupé et t'as été deg. Non, je me demandais juste, parce qu'il faut savoir que le générique se met après montage. Oui, bah oui. Ouais. Et je me demandais si t'allais pas mettre des musiques, genre des musiques d'ambiance. Ouais, absolument. Tu me connais si bien. Si. Si, bah il y en a une là, mais vous l'entendez pas parce qu'on n'avait pas de casque. Oui, du coup, on va faire ça en deux parties parce qu'on fait bien les choses dans la salle 5. On est professionnel. Première partie, on va parler peut-être de nos films d'horreur, du coup, pour le coup, préférés. Ou qu'on recommande, pas forcément préféré, mais qui sont peut-être un peu moins connus ou sous-estimés, ou les deux, à nos yeux évidemment. Victor, peut-être commencer par toi, quel est un film comme ça, un film d'horreur que tu trouves qui mériterait d'être plus connu? Alors, moi je vais aller à contre-courant. Parce pavé dans la mort directe, quoi. Parce qu'on ne va pas célébrer avec ce film Halloween, mais Noël. Avec le film qui s'appelle Krampus de Michael Dougherty. Michael Douglas, c'est le prénom que tu cherches. Ce même mec qui avait réalisé cette année l'effroyable Godzilla King of Monsters. L'effroyable. Je l'ai pas vu, mais ça reste du Godzilla, donc calme-toi un peu. Donc c'est un film d'horreur qui se passe à Noël et c'est une comédie horrifique. Que oui. Je peux recommander pour petits et grands. Je pense que même s'il y a des effets un peu sanguinolents, même si ça fait peur, il y a vraiment une vibe à la Gremlins. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est un peu dans le même truc. Et alors, on va raconter ce que c'est Krampus. Qu'est-ce que ça raconte Krampus, Victor? Alors, dis-nous tout. Voilà, alors j'ai dit ça se passe à Noël d'habitude. Qui arrive à Noël? Le Père Noël. Le Père Noël, ou le Père Fouettard, si on n'a pas été sage. Mais, qui met du charbon dans nos chaussettes. On y raise le Père Fouettard de cet algorithme. Et on envoie Krampus. Alors, vous connaissez peut-être Krampus. C'est dans la mythologie scandinave, non? C'est ça. Et pour ceux qui regardent comme moi tous les dimanches matins sur NRJ12 American Dad, vous connaîtrez forcément cette légende. Ah bon? Parce qu'il y a un épisode consacré à Krampus qui revient à plusieurs reprises Ah, dans je la savais pas. série. C'est même le père de Stan qui devient Krampus. Je me souviens pas. Je me souviens, alors attention, ref américaine date très lointaine, je me souviens d'un épisode où il y a la fée de Noël ou je sais pas quoi, Oui, et puis il y a du avec Jane remontou, Fonda. il y a du voyage dans le temps, tout ça, bref. Et donc, c'est un réveillon de famille avec auquel le réalisateur s'amuse à jouer sur tous les clichés. Il y a le tonton, c'est Tonton voilà raciste, le cliché bourré. du tonton bourré, sexiste. Il y a les familles qui font genre que tout va bien, tout on est heureux pour Noël, mais ils peuvent pas se saquer. Ça, Noël, ça les saoule. Les enfants sont infects. Et comme les enfants ne sont pas sages, ce n'est pas le Papa Noël qui va venir donner Pas la de cadeau. Nintendo Switch. C'est Krampus qui va revenir, avec ses démons pour foutre la misère à ses enfants et à Ah, c'est ses même pas du adultes. charbon, quoi. C'est carrément C'est des même démons, pas du arrête. charbon, c'est des petits nounours tueurs qui ont Juste parce des... qu'ils sont pas sages. juste parce qu'ils sont Et pas ben sages. voilà, les enfants qui nous Et écoutent, soyez sages. donc, alors, moi je trouve que c'est vraiment un film qui à la fois mêle comédie et vraiment horreur. Il y a vraiment un climat malsain dans le film. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que, en fait, c'est tellement respectueux dans le côté film familial, à la année 90, style Maman, j'ai raté l'avion, ou même les Spielberg, enfin, on pourrait penser à un truc comme Super 8, ou un truc à la Poltergeist, et on pourrait penser qu'il y a un senti que ça bifurquerait vers un sentimentalisme et tout. Bah non, c'est assez cruel comme film, et même si on passe un bon moment, on s'amuse, enfin c'est totalement régressif. Hein. Il y a un graphic design dans le film qui se prête vraiment à l'amusement. Et pourtant, sans être horrible, on n'est pas dans un film non plus ultra déprimant. Il y a quand même. Est-ce que c'est genre très gore ou Non, très violent? alors, à mon souvenir, non. En fait, je pense qu'il faut plus voir le film comme. Je sais pas si vous vous souvenez de ces trucs qui foutaient les jetons dans KD2A ou Canal J, style Chair de poule ou Fais-moi peur. Ouais, moi j'avais les livres chair de poule, donc Ben, ça me parlait. ça fait un peu ça en fait. Tu regardes l'épisode, enfin, tu regardes le film en l'occurrence, tu te sens mal, t'as le seum et tout, mais Oui, mais il y a pas y a de, un c'est côté pas très récréation. C'est violent un peu dans le. train fantôme en Ouais, fait. voilà, c'est pas ultra gore violent. On Voilà, va pas du tout. suriner des gens 1000 fois. C'est très Ok. fun, c'est le genre de film pour Halloween, je trouve que c'est un truc parfait à regarder Ça tombe bien parce que c'est le thème. entre copains, copains, copines, famille aussi. Et c'est Et aussi un excellent film de Noël, du coup. c'est aussi un Par la excellent même film de occasion. Noël avec un petit casting que je trouve impeccable parce qu'on a Toni Collette, Oui, on a exact. Adam Scott et on a alors David Koechner. Pour ceux qui, comme moi, sont fans des Ron Burgundy, c'est celui qui joue Champ, Si le vous avez la ref, vous savez. journaliste sportif Voilà. complètement beauf. Moi, ça me fait penser à un film qui est sorti, je crois, pas peut-être la même année ou 1 ou 2 ans aux alentours. C'est The Badabook ou The Babadook. Je crois que c'est The Mister Badabook. Babadook. Et il est trop bien ce film. Et il fait aussi un peu quand même peur. Et il est passé inaperçu. Enfin, en France, en tout cas, il est totalement passé inaperçu en Amérique. Aux Amériques, j'allais dire. Je suis Christophe Colomb, quoi. C'est devenu un mème et tout, tellement ça a eu du succès, mais en C'est pas France. devenu une icône Si c'est LGBT sur devenu. Pour Internet ou aucune quoi? raison, Voilà, je je sais pas trouve ça trop pourquoi. drôle, c'est que pour aucune raison. C'est juste les gens, ils se l'ont approprié et je trouve ça trop bien. Mais ouais, le film, il est cool et il est pas prise de tête, il fait un peu flipper et puis. Et je l'ai regardé, donc c'est une preuve de. Ça passe, ça fait pas trop peur et ça fait quand même un petit peu peur. Voilà. Est-ce que t'as. Amaury, peut-être, on va faire un petit chacun son tour. Ouais, ben moi j'ai un film qui fait pas trop peur et qui est plutôt une comédie. C'est Braindead de Peter Jackson. Alors Jamais je vu. sais pas s'il est connu ou pas connu, mais en tout cas il est difficile à trouver parce que c'est vraiment une vieille péloche, mais c'est impossible à retrouver en DVD, encore moins en Blu-ray. Donc il faut vraiment chercher loin pour y accéder. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un bon ami qui avait un point à vie de ce film. Et alors c'est. Faut que je vous lise absolument le synopsis Dis-nous, je t'en prie. du du film qui, moi, me fait mourir de rire. Alors, Lionel voit sa Déjà, mère... déjà Lionel, quoi. Lionel Jospin, c'est ça? J'espère. Non, non, ça se passe en Nouvelle-Zélande. Ça n'empêche pas. Il voit sa mère se faire mordre par un singe rat du Sumatra. Et d'après la légende des indigènes, l'animal transforme tous ceux qui le mord en zombies. J'adore. Donc on a la T'as naissance d'une... Mais je vais le regarder direct après cet enregistrement, en vrai ça a l'air trop bien. On a la naissance d'une invasion zombie à Wellington. Et alors c'est fait avec les moyens de Peter Jackson à l'époque, c'est-à-dire avec des masques, avec du latex, avec maquillage bas de gamme. Et c'est complètement grotesque et il assume en fait le potentiel burlesque de cette histoire. C'est-à-dire que quand le personnage... veut échapper à une horde de zombies qui l'entoure de tous les sens, et bah il court, mais il fait du surplace parce qu'il glisse sur les flaques de sang qu'il y a par terre, donc il n'arrive pas à bouger. Donc qu'est-ce qu'il fait pour se sortir de là? Et ben il rebondit sur les morceaux d'abats qu'il y a par terre sur le sol, et puis comme ça il glisse pas, et puis il peut retourner se cacher dans une maison. Et en plus, c'est un film très impressionnant sur la résolution d'un complexe d'Oedipe. Parce qu'il y a une... Je m'y attendais pas, c'est ça. Il y a une relation hyper toxique et vraiment dérangeante entre la mère et le fils. Et en fait, tout ce côté spectaculaire de l'invasion zombie, en fait, c'est une manière pour le personnage de régler ses comptes avec sa mère. Et à la fin, on a un matricide, mais qui est jouissif, spectaculaire, kitsch. c'est absolument génial à regarder, c'est drôle. C'est grotesque, c'est moche et génial en même c'est, temps. J'aime bien le c'est moche. Il faut le voir en VF. La VF, c'est n'importe quoi. Ça date de quand? Ça date du début des années 90. Ah oui, donc la VF, c'est forcément une pépite. Moi, je vais rebondir vite fait en disant qu'un autre film de Peter Jackson dans cette période que je trouve vraiment formidable et dans la même veine que Braindead, justement, dans le côté péloche, petite péloche, Halloween, complètement cracra à regarder. Et qui est hilarante, c'est Meet the Feebles. Bah c'est son premier film, non? C'est, je crois que c'est son deuxième. Son premier, je pense qu'il l'a fait après Bad Dead. Ouais, il l'a fait après Bad Test. Ouais. Ah d'accord. Et ensuite il a fait les Feebles. Et les Feebles, qu'est-ce que c'est? C'est le Muppet Show si Kermit et Peggy la cochonne étaient dans un milieu complètement affreux. Ça me fait peur. Juste pour la séquence de où t'as une marionnette qui te chante une chanson à l'hymne de la sodomie, façon Bob Fosse quoi, donc comédie musicale et étincelante et tout, avec en montage parallèle un hippopotame complètement vénère qui mitraille tout le monde. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Alors, c'est une ref très niche, je sais pas si vous allez la voir. Ah. La pub pour 13ème rue, avec le crocodile qui tuait tout Galil le monde. Galil Alligator. J'ai fait des cauchemars. Mais je me souviens, alors cette pub, je l'ai vue la première fois à la télé chez mon père. Et j'étais en mode, ouais, ok, vu. Je l'ai revue, je sais plus où, mais je me souviens juste que c'était sur une toute petite télé en haut, genre tu sais, dans le coin d'une pièce. Ouais. Et ça m'avait effrayée, mais j'étais terrifiée, j'étais en boule, en mode non, horrible, horrible. Donc 13ème rue, pas c'est, merci c'est... pour tous ces cauchemars. C'était il y a une mode, hein, je crois, des marionnettes ou des animaux c'était, tout mignons. C'était l'époque Happy Tree Friends et tout. Ouais, Happy Tree Friends, Avenue Q. Ouais, pour ceux qui ont regardé Big Little Lies, on sait. Mais voilà, les Feebles, enfin Peter Jackson, c'est vraiment une petite valeur sûre, si tu veux, du cracra, même. Je pensais que tu allais dire même le Seigneur des Anneaux, hein, non, au final. Non, mais... Anneaux, petite péloche, petite dans... un peu cracra. Dans un genre plus sérieux, mais qui peut aussi, j'y pense là, je pense à Créature Céleste. Ouais. Où là aussi, on a vraiment. Ça fait pas peur pour le coup. Ça... Moi j'aime pas. Tu vois, c'est le genre de film où ça fait pas peur. Enfin, c'est pas un film d'horreur ou quoi. Bah ça. Mais c'est quand même un peu dérangeant à regarder. Oui, mais ça fait pas peur. T'as pas peur pour. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a quand même mis affreusement mal. Hein, quand moi, ça m'a, mis, ça m'a énervé parce que je hais ce film. Voilà, c'est tout. Ah, c'est dit. Ah, ok. Okay. Comme ça, c'est fait. Bon. Et toi, Jade, c'est quoi ton film? Alors, il faut savoir que je suis une grosse flippette, donc je regarde pas beaucoup de films d'horreur. Par contre, ironiquement, je joue à plus ou relativement beaucoup de jeux d'horreur, donc j'aurai des petites recos jeux vidéo comme ça si vous voulez, ça vous intéresse, mais j'en ai quand même quelques-uns qui sont J'ai estimé qu'ils étaient moins connus, mais je pense qu'ils sont quand même un peu connus si on s'intéresse plus ou moins au cinéma, quoi. Mais genre, peut-être du grand public, c'est moins connu. Le premier, c'est Ring de Hideo Nakata. Donc The Ring en français, je pense que vous connaissez, je pense que plus ou moins la plupart des gens connaissent. Je connais. Mais en gros, c'est. Qu'est-ce que t'allais faire? Moi, je connais son adaptation française présentée par Augustin Trapenard. Le cercle. Voilà. Merci Victor. Mais oui, donc Ring, qui est l'histoire, cette histoire, enfin ce concept repris mille fois dans mille autres trucs de cette cassette que si tu la regardes, et ben 7 jours après tu meurs. Et juste ce film m'a terrifié à tout jamais, à vie, du bruit sur la télé. Enfin maintenant ça existe la plus. Neige. Mais la neige, ouais. Le tchhh quand il y a plus de programme la nuit. T'étais horrible. Persuadé que Sadako allait venir. Ah, j'étais mais terrifiée. Et mais ce qui est marrant en plus, c'est que la première fois que j'étais introduite à ce film, c'était via Scary Movie. Et ça me faisait quand même peur parce que moi je confondais. Avec Brenda oui, qui oui. se combat contre. Il est trop drôle. Mais ça me faisait quand même peur à l'époque parce que j'étais gamine. Et je croyais que Scary Movie et Scream c'était la même chose déjà. Donc voilà le délire. Et moi j'avais peur du 2. Enfin, je me moi suis j'avais peur de tous les Scary Movie. Genre j'avais été chez mon cousin. Et on avait regardé il avait le 2 en DVD et c'était le début, c'était j'ai appris que c'était Natasha Lyonne d'ailleurs qui jouait la parodie de l'Exorciste. Ah ouais, ah, je sais pas. Et en fait, ouais, c'était la parodie de l'Exorciste et moi ça me foutait les jetons. L'Exorciste déjà ça me fait alors, flipper moi. Que je l'ai revu il y a pas très longtemps en plus qui rime alors que la scène c'est juste James Woods et Natasha Lyonne qui se font des blagues de cul en parodiant l'Exorciste. Ouais, ça. Quand j'étais petit, ça me faisait peur, ça. Alors que... Non, mais pas pareil. Hein. Mais ouais, donc Ring qui est. Il y a plein de gens qui disent qu'ils trouvent que le film fait pas peur, mais moi, Ah, ça fait... enfin, la fin est terrifiante. Mais oui, rien. Mais ça me... il me classe. Je l'ai pas vu, donc pas de spoil. Bah non, je te spoilerai pas, mais du coup, le concept il a été repris dans plein de trucs. Il y avait un autre film qui s'appelait. Un autre film japonais qui s'appelait One Missed Call, je pense, avec ce même truc de malédiction. Et si tu reçois un appel et il y a une certaine oui, sonnerie qui ouais, retentit, et ben en fait, tu vas mourir. Et en fait, la musique. Juste la musique me faisait peur. Y avait... Alors, dédicace à Eve qui m'a fait découvrir ce film et qui, je sais plus si c'était elle ou quelqu'un d'autre qui avait mis cette sonnerie en sonnerie de téléphone. Donc merci, mais pas merci pour les cauchemars. Il y avait terreur.com aussi pour ce... Ça me dit un truc, avec mais... Christian Slater. Ah oui non, ah putain. Christian Slater ou Stephen Dorff, hein, en tout cas un de ces acteurs. Je vois de quoi tu parles. Voilà, l'affiche, elle... ouais. Moi je me souviens juste de l'affiche qui me faisait peur. Pareil. Voilà. Dans le même concept, il y avait aussi The Wig, qui est un film coréen cette fois avec Kristen Wiig. Faudra un remake avec elle. Mais non, c'était deux sœurs. Il y avait une des deux sœurs qui avait un cancer, je crois, et elle perdait ses cheveux à cause de la chimio. Et du coup, son sœur lui offrait une perruque et la perruque était maudite. Alors. Et la perruque allait tuer des gens. Alors. Okay. En gros, c'est ça. On n'y échappe pas. Oui, les Simpsons, la perruque du cobra dans voilà. Les Simpsons, ça a été inspiré de ça. Exact. Ça reprend ce film. On est le point Simpson. Voilà, on y est, il en faut un chaque épisode, assurément. Mais oui, donc voilà, Ring, Victor, bah, comme tu l'as pas vu, je te le recommande. Si tu as envie de te faire peur ce 31 octobre. Je prends note. Un autre film, peut-être ? Bah alors, film d'horreur. Moi j'en ai plein la besace. Ouais, toi t'es le Père Noël, tu es arrivé avec ta hotte pleine de films d'horreur. Crampus, tu es Krampus. Merci bien. Faites un montage avec Krampus et la tête de Victor à la place. Ta nouvelle pépé sur Twitter. Alors, moi j'en ai un autre qui alors c'est Fright Night de Tom Holland. Alors non, ce n'est pas le nouveau Spider-Man pété thune par Tony Stark qui a ni réalisé ce film. Ni le fils de François Hollande. À vrai dire, Tom Holland n'était pas encore né quand il a fait ce film. C'est un autre Tom Holland qui est un petit nom qu'on retient jamais du. Bah, il s'est fait éclipser maintenant, malheureusement. Mais qui a quand même une aura dans le genre de l'horreur des années 80, parce que c'est quand même lui qui a réalisé après ce Fright Night. Jeu d'enfant, le premier Chucky. Film que d'ailleurs je conseillerais dans le même genre que Krampus. Ouais, bah il y a une poupée donc ça fait peur. Et c'est un film que j'affectionne parce qu'il rend hommage au film du vampire tout en le modernisant à l'époque en fait. Ouais. Et Donc l'histoire, c'est un lycéen un peu gringalet, très nerd, qui, voilà, il a une copine, il a son meilleur ami, il vit avec sa maman. Bon, il est pas vraiment très nerd s'il a une copine. Mais il est quand même Hein. affreusement nerd. C'est pas le cliché à 100% dans ce cas. Hein. Dans le film, il est affreusement Ouais. nerd au point d'irriter sa copine. Et il se rend compte que son nouveau voisin, donc c'est le charismatique et c'est beau gosse as fuck, et le film le joue sur ça, Ouais. Jerry s'avère être un vampire. Mais il date de quand ce film? Des années 80. Et le, y a un remake avec Et Colin c'est, j'allais Farrell. en venir, et il y a le remake Exact. avec Avec Colin Farrell. Colin Farrell. Ouais. Ouais, Et ouais, Anton ouais, ouais, ouais. Yelchin et Ah, Imogen je Poots. pensais que c'était Et Jay Baruchel. on en revient encore à elle, mais il y avait aussi Toni Collette dans Bah, ce elle, de toute film. façon, c'est la reine de l'horreur, Toni Collette. Et il va alors demander de l'aide, ce jeune homme, à Peter Vincent, qui est une. Voilà. Peter Vincent, Je juste. préférais Lionel, Ouais, c'est Lionel. Lionel Vincent. qui est c'est une vedette de la télé, qui c'est un peu une pastiche de Vincent Price. Il présente des films d'horreur. C'est lui qui présente sur une chaîne de télé les films d'horreur de Ouais. série Z à la Roger Corman. Et ensemble, ils vont devoir régler le compte de ce vampire avant qu'il ne bah, il fasse plus de victimes dans cette petite ville américaine et qu'il s'empare de sa petite amie. Et moi, je trouve que c'est vraiment un film assez parfait dans le genre du vampire, puisqu'il est c'est un hommage impeccable au genre. Ça joue à merveille sur les codes du genre, donc ça va jouer sur le soleil par exemple, sur le charme que peut avoir le vampire. C'est truffé de références et ça reprend de façon assez de moderne l'histoire de Dracula en fait. C'est marrant C'est parce que quand on sait pas de quel film tu parles, on pourrait croire que tu parles de Twilight. Eh ben, mais bah, très Il bien, s'avère que c'est un vampire. Twilight descendant de Bram Stoker. Hein, Bah oui, hein, Twilight descendant et de. le film, je trouve vraiment. Dans l'époque, en fait, il y a quelque chose d'assez vraiment subversif, en fait. C'est que le vampire, par exemple, va être totalement iconisé. Ce sera pas donc le vampire avec sa cape, ses dents tout de C'est pas suite. Nosferatu. C'est pas Nosferatu et il est complètement sexualisé. Ouais. Y a Bah, Colin une Farrell, quoi. Enfin, je sais que Colin c'est pas Colin Farrell. Farrell dans Là, l'original, c'est mais. alors c'est Chris Sarandon dans Ouais. dans ce film-là, qui aussi dans le premier Chucky d'ailleurs. Et on va iconiser et le sexualiser à fond. Et il y a une scène en boîte de nuit façon cruising, tu sais, qui est géniale. Et le film va, à partir de ça, va refaire un peu l'histoire, la romance que tu pouvais avoir, par exemple dans Dracula. Et moi, je trouve que c'est super fun à regarder. Mais c'est une comédie ou c'est Ouais, alors un ouais, c'est sérieux? clairement pas un film. Parce que je sais que le remake c'est une comédie. Enfin, en tout cas, la bande-annonce ça avait l'air d'être une comédie. Bah c'est, en fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment une comédie horrifique, en fait. Un peu comme le premier Chucky, c'est que ça fait peur. Enfin, il y a quand il se révèle vraiment sur la forme du vampire, c'est vraiment une créature effrayante, moche, tout ça. Mais le film est super fun à regarder. C'est vraiment des ados, en fait, qui doivent se débrouiller contre ça. Il n'y a pas un Ouais. côté. C'est pas glauque ou crade. Malsain, ouais, c'est pas. Bah, c'est pas du tout ça, moi c'est vraiment un petit film, un classique des années 80 qu'on connaît peu assez en France en tout Bah ouais, cas. j'avoue. Bah je connaissais vite fait Il va ressortir Colin Farrell, d'ailleurs, quoi. je crois que c'est Carlotta ou il y a une société type Carlotta qui va le ressortir. Et je recommande aussi le remake qui est vraiment Il canon, est qui est bien? sorti en 2011, qui respecte super bien le film, Ah bah. c'est ancré dans son temps. On retrouve Anthony Yelchin, Colin Farrell, il y a David Tennant qui reprend, Oui, ça je me souviens qui joue Peter de l'avoir Vincent, vu. et Toni Collette, bien sûr, et Toujours partout, elle. McLovin de Ah, Supergrave. génial. Donc Great. voilà, regardez Bah. celui-là Et et le l'affiche est remake. super belle aussi. L'affiche est Allez voir super. l'affiche et dans son titre français. C'est quoi déjà? Vampire, vous Vampire, avez vous dit avez dit vampire. vampire, point d'interrogation. Voilà. Merci les traducteurs de titres français. Amaury, est-ce que tu en as un deuxième, Oui, peut-être? alors super connu mais super sous-estimé à mon sens, bah c'est Scream 4. Vas-y, vends-nous du rêve, parce que moi je l'ai pas vu. 4, soit ce... En le revoyant encore cette année, je trouve que ce film est, bah, est totalement dans l'air du temps, en fait. Parce que le premier Scream à l'époque, c'était du cinéma sur du cinéma. Ouais, c'était méta et tout. C'était ouais. méta, c'était génial. On réemboîtait le genre, on le retournait dans tous les sens. Mm. On parlait cinoche, on parlait péloche, on mettait des images dans des images. Puis au fur et à mesure que la saga avançait, bah, on avait de la fiction dans de la fiction. Et là, Scream 4, c'est carrément, ça s'ouvre sur un film qui est regardé par des jeunes filles qui sont elles-mêmes dans un film et qui sont regardées par d'autres filles. Et là, ça annonce la couleur. Compliqué. Et c'est vraiment... Une étude en fait d'une certaine jeunesse aujourd'hui qui est très auto-centrée, très obsédée par l'image en fait, mmh. et leur propre rapport à l'image qu'ils renvoient. Et c'est un film sur l'obsession de la célébrité immédiate, mmh. qui est incarnée par la géniale, la drôlissime, la peste Emma Roberts, qui a un rôle incroyable dans ce film. Il date de quand ce film ? 2011. Ouais. Non, mais voilà, c'est un film vraiment contemporain et qui est toujours d'actualité, je trouve, aujourd'hui. Mmh. Ou bien alors, s'il y avait eu un Scream 5, ça aurait été peut-être encore meilleur parce que les réseaux sociaux ont changé aujourd'hui depuis 2011. On n'est pas à l'abri, hein, on sait jamais. On n'est pas à l'abri, arriver, mais ce sera plus Wes Craven. Oui, donc, oui, c'est sûr, c'est, mais... Je pense que lui, il a... Enfin, c'est vraiment un type qui avait énormément de talent. C'était un mec qui faisait du divertissement, mais vraiment complètement décomplexé. Et en même temps, il avait un regard sur le cinéma, un regard sur les gens et sur les genres qui était excessivement intéressant. Et ouais, c'est vraiment une saga que j'adore, moi. Et ce quatrième Scream, c'est au-delà, peut-être même au-delà du premier, je trouve. Waouh, carrément. Ouais. Je l'ai pas vu parce que, bah, comme j'ai dit, je suis une énorme flippette. Je me souviens à peine du 1, tellement je l'ai effacé de ma mémoire parce que j'avais peur. Et toi ? Alors, moi, je crois que je vais faire 2 en 1 parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que je les ai vus il y a très longtemps. Parce que voilà. 2 en 1 des frères Farrelly, bien sûr. Pff, t'as trop de rêves que je n'ai pas en plus. Voilà. Le film avec Matt Damon et Greg Kinnear qui sont frères siamois à moi. Oh, ça a l'air horrible. Ça aussi, c'est un bon film, pas d'horreur qui fait peur, je pense. The Strangers de Brian Bertino. C'est assez connu. Des gens qui connaissent un peu les films. Tu sais, c'est le film avant The Purge, mais c'est l'idée de The Purge. Oui. Avec Liv Tyler et l'autre gars, ils sont dans une cabine dans les bois et tout. Et il y a des gens avec des masques en genre sac à patates qui débarquent chez eux et qui coupent leur ligne téléphonique. Et puis ils s'amusent à leur faire peur et tout. Et en fait, c'est juste pour les terroriser. Et ce film me terrifie. Alors qu'il est chiant. Il est chiant comme la mort, ce film. Mais il est ultra flippant. Genre, il y a juste une scène. Je suis sûre, c'est la scène la plus connue, elle doit être partout sur YouTube et sur Internet. C'est la scène où Liv Tyler, elle est au téléphone dans sa cuisine et qu'on voit le gars, enfin genre, elle est au premier plan. C'est un plan large sur genre, il y a la cuisine ouverte américaine et tu vois la salle à manger derrière. Et du coup, au fond du plan, tout au fond, tu vois le gars passer, s'arrêter, la fixer. Et genre, elle capte pas, elle est au téléphone et tout. Il la fixe et tout avec son masque ultra flippant et puis il part. Et puis c'est tout, c'est juste ça la scène, et ça fait trop, trop, trop peur. Un peu comme dans Halloween, tu vois, où des fois tu le vois dans le fond d'un plan, et juste, il fait rien, mais il est là, et du coup, à n'importe quel moment, tu t'attends à ce qu'il soit dans un autre plan, au fond, qu'il arrive, qu'il fasse un truc et tout, et juste, c'est trop bien, c'est une trop bonne idée de mise en scène, et ça fait trop peur. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu ou si vous le connaissez. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Moi, j'ai vu The Strangers de le coréen. Mais ben ça, c'est la version. Je sais pas si c'est une adaptation Non, pas du tout. C'est c'est un film américain avec Liv Tyler dedans. Il y a une suite qui est sortie genre il y a un an, je crois, de ce film. Je sais pas du tout. Je sens que c'est comme ça que j'en ai entendu parler, moi. Je savais pas. Bah, tu m'apprends quelque chose. C'est un peu ça le but de cette émission aussi. On apprend en s'amusant. Et un autre film que j'ai vu il y a aussi extrêmement très longtemps et qui est un peu nul. Tout le monde dit qu'il est nul et moi j'avais pas trop aimé. Mais il y a juste la scène de fin qui m'a fait très peur. Encore une fois, c'est juste une scène sur tout un film. Mais c'est Sleepaway Camp de Robert Hildzik, qui est c'est classique, c'est t'as dit j'ai pas entendu, je réécouterai. C'est le truc classique, je crois que c'est années 80-90, de un frère et une sœur, ou deux, enfin je sais plus, bref, c'est deux gamins qui vont dans un camp de vacances, et il y a une tuerie, et voilà, et c'est tout, et le plan de fin est terrifiant, et je vais pas vous dire ce que c'est, parce que ça serait spoilé, mais juste, regardez-le, ou juste tapez plan de fin Sleepaway Camp sur Google, et vous verrez. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de films d'horreur que je trouve les moins connus. Est-ce que vous en avez un petit dernier? Allez, un petit dernier pour la route. Ah, c'est ok. Bah, si t'en as d'autres, vas-y, hein, balance. Bah, il y en a... Alors, je vais... 12. On a tout le temps du monde. On a 12. Non. Alors, je te sors la liste et là, ça roule. lequel je vais... Bah, vas-y, dis tout. Fais-nous... Alors, comme ça. Alors, on va revenir sur le genre du vampire, mais avec First de Park Chan-wook. Ah, j'ai pas vu. C'est si comme moi, enfin, je sens que ceux qui ont été en seconde année 2011-2012 vont avoir peut-être le souvenir de Thérèse Raquin en littérature. Ah oui, ouais, c'est malheureusement ça. Oui. Donc voilà, c'est ce couple qui tue un gars et il y a la culpabilité et tout, oui, ça, et la belle maman qui s'en mêle, tout ça, il me semble. Bah, First, c'est ça, mais avec des vampires. Donc wow, c'est un prêtre qui devient vampire à cause d'une maladie, et il va tomber amoureux d'une meuf, il va la transformer, et les deux vont prendre goût au sang, mais ils vont tuer ils vont tuer un gars, et voilà, sens du romanesque et du ludique, c'est très fun. Évidemment. Ensuite, là je vais être très bref, mais il y a Creep 1 et Creep 2 de Patrick Bryce. Ce sont Brice, s'il te plaît. Patrick Brice. Je vais faire simple, je vais juste donner cette idée de sur une ligne. Un food footage où des gens vont filmer un mec chelou dans une cabane. Voilà. Ça donne moyen envie de le voir quand même. J'en dis pas plus. C'est striptease en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est striptease. Striptease, ça tourne mal. Okay. En gros, voilà, c'est ça. Et là, celui auquel je vais peut-être plus m'attarder, c'est The Faculty de Robert Rodriguez que j'ai regardé hier. Ah, c'est Robert Rodriguez, ouais. Je ne savais pas. Que j'ai regardé hier soir. Et c'est un film qui me semble est tombé dans la même période que le premier Scream, voire même Scream 2, il me semble. Et qu'est-ce que The Faculty ? C'est un body snatcher dans le genre du teen movie. Donc, c'est des lycéens outcasts. Donc voilà, il y a le nerd qui est joué par Frodon Sacquet, Elijah Wood, il y a la fille gothique qu'on soupçonne tout le monde, que tout le monde soupçonne d'être lesbienne en fait. Ah. Bon, les deux, ça va ensemble. Et on va savoir, c'est vrai que non, enfin ça reste flou pendant une grande partie du film. Il y a le quarterback qui en a marre de faire du sport. Évidemment. C'est son père qui l'a forcé, tout ça. La nouvelle dans l'école, tout ça. Et ils vont se rendre compte que petit à petit, dans leur lycée, il y a un parasite extraterrestre qui contamine le corps enseignant. Et il faut voir les corps enseignants. Donc, le prof de sport, ce n'est rien d'autre que Robert Patrick. Oh putain. Donc, le méchant de Terminator 2. Je l'adore tellement, Robert Patrick. Il y a Salma Hayek. Il y a John Stewart. Et... petit à petit, ces profs en fait vont contaminer leurs élèves pour en mode lavage de cerveau. On vous met des. C'est un peu Body Snatchers, mais enfin le film L'invasion des profanateurs de sépulture en français, qui est un très bon film, je vous recommande 1000 fois. Ça commence vraiment comme un Breakfast Club, puis ça dérive vers The Thing et The Body Snatcher. Ça l'air trop bien. L'invasion des profanateurs. De sépulture, alors qu'il n'y a ni sépulture ni profanation, ouais. Mais c'est pas grave. Et ensuite, ça devient un gros n'importe quoi. Et c'est vraiment un film bien ancré dans les années 90. Voilà, alors là, ça commence sur des plans sur le lycée avec The Offspring en fond. Oh, j'adore, j'adore déjà. On a un casting vraiment années 90. Donc, Josh Hartnett, il y a Jordana Brewster. Ah, oh, j'adore. Bon, après, j'ai déjà dit Elijah Wood, Robert Patrick, tout ça. Il y a Franca Potente aussi. Polenta. Franck à polenta. C'est très bon la polenta, je t'invite à goûter. Bah, ah, tu me corrigeais, mais non. Non, c'est une vieille vanne sur l'aliment, la polenta. Et donc voilà, moi c'est un petit film sympa, sympatoche, méconnu de son réalisateur. Mais j'avoue, je connaissais pas du tout, pourtant on a fait une émission sur Robert Rodriguez quand même. Je fais bien mes recherches. Mais voilà, c'est très sympa et à vous recommander. Voilà. Amaury, un dernier ou t'as épuisé ton stock de films d'horreur? Non, bah, j'en ai plein, mais bon, c'est beaucoup moins rigolo que le film de Victor. Mais moi, j'avais adoré l'an dernier Hérédité et je crois qu'il avait pas fait énormément d'entrées. C'est un film d'Ari Aster. En France, surtout. Ouais, ouais, voilà, le type qui a réalisé cette année Midsommar, qui est un très bon film. J'adore, moi, je préfère Midsommar à Hérédité. Ouais, peut-être, ouais, moi aussi. Mais peut-être. Hérédité. peut-être, m'en fous. Je sais pas, il est peut-être plus dans un mood Halloween Hérédité pour le côté. Ouais, c'est vrai. Midsommar, hantée, ça fait. Bien que la maison ne soit pas particulièrement hantée, c'est plus la famille qui est hantée, qui est poursuivie en fait par une secte plus ou moins sataniste. Et voilà, ça mêle l'épouvante au drame, ou plutôt c'est un drame auquel se raccroche l'épouvante, puisque le fantastique il apparaît assez tardivement dans le film, et au commencement de cette histoire il arrive surtout des drames horribles, enfin ce qu'il y a de plus horrible qui pourrait arriver à un être humain, ben, ça leur arrive, ils s'enchaînent deuil sur deuil, et arrive ensuite l'horreur occulte, les sectes et tout le bordel qui vont semer le chaos dans cette famille qui va déjà pas très bien. Ouais, avec encore une fois Toni Collette. Le dit. Et bah, c'était... vous avez beaucoup de recommandations de films d'horreur, si... sous-estimés ou moins connus, si vous ne les avez toujours pas vus, dès à présent je bégaye, je ne sais plus parler, dès à présent vous faire une liste et on va passer à... Si vous êtes curieux, le résumé du film précédent que Victor vient de raconter, ça m'a rappelé une bande-annonce que j'avais vu sur internet, complètement stupide, qui arrivait après la mode des Human Centipede, des Sharknado, et tout le bordel. Alors déjà, rien que le titre, ça s'appelait Alien Tampon. J'adore. Déjà, je vois ce titre-là. C'est le genre de truc qui sort sur Sci-Fi. C'est ça. Je me sentais obligé de cliquer. Et du coup, j'ai vu cette bande-annonce. Mais j'ai perdu 100 neurones en la regardant, je pense. On la regardera après l'enregistrement. On vous la mettra en fin d'émission. Vous avez une lycéenne qui se prépare à mettre son tampon dans les toilettes et qui le fait tomber dans une flaque verdâtre extraterrestre. Pourquoi il le flaque verdâtre dans ses chiottes? Je ne sais plus comment cette flaque verdâtre extraterrestre est arrivée dans les toilettes, mais elle fait tomber son tampon là-dedans et ensuite elle se le met. Et du coup, elle est. Mais elle est con! Attends, mais elle est stupide! Oui, bah, elle voit pas. C'est totalement sale, mais en je vais plus, le mettre comme dedans. Le tampon il devient vert fluorescent avec ça. Suspension d'incrédulité. Elle est métamorphosée, elle est possédée par une vie extraterrestre et puis elle dégomme plein de champs. C'est n'importe quoi. Ça a l'air trop bien. J'ai jamais vu ce film. Mais la bande annonce est incroyable. J'ai hâte de voir. Ah, ça a l'air génial. Oh, j'ai trop envie de le voir. Bon, bah, la meilleure. Je pense qu'on pourra pas faire mieux après ça. Alien tampon, mais c'est. Je pense qu'on pourra pas faire mieux. Alien tampon, notez bien ça. Bon, je note immédiatement. On va passer peut-être à nos recommandations de films pas d'horreur, mais qui nous font peur quand même. Peut-être avant ça, deux petites mentions spéciales jeux vidéo, parce que j'ai dit que je jouais plus à des jeux d'horreur que je regardais de films. Mais alors là, ils sont très connus, donc ça déroge un peu à la règle. Slender, les deux jeux, parce qu'il y en a deux. Si vous n'avez pas joué au deuxième, jouez au deuxième tout de suite, parce qu'il est excellent. Et en plus, si vous êtes attentif, il y a un petit bug que vous pouvez exploiter pour apprendre plus de l'histoire, si l'histoire vous intéresse. Et Outlast, les deux aussi, qui sont ultra flippants, et en gros... Outlast, les deux, c'est une histoire différente, mais c'est dans le même univers, et c'est un bail de dans un espace clos. Donc le premier, c'est dans un asile, et dans le deuxième, c'est dans un village. Des gens deviennent totalement tarés, et tu dois survivre. En gros, c'est ça, et c'est trop bien. Donc voilà, deuxième partie, nos films qui nous font peur, mais qui sont pas nécessairement de l'horreur. Moi, j'en ai plein, du coup, parce que j'ai peur de tout. Amaury, tiens, on va commencer par toi. Est-ce que t'en as un petit ? Bah, un petit. Ou un grand. Oui, un grand. Enfin, pour moi, c'est vraiment un grand film, mais on est un petit peu seul à penser ça ici, parce que je suis sûr que vous aimez ce film tout autant que moi. C'est Mise à mort du cerf sacré. Ah. Oui. Je suis sûr que je te l'ai piqué, Jade. Oui, bah, j'en ai tellement, vas-y, hein, je te bon, l'offre. Bah, Mise à mort du cerf sacré, qui est un film de Yorgos Lanthimos. Ouais, quel accent. Comment résumer cette horreur? En fait. C'est vrai. Bah déjà Colin Farrell, encore une fois. Le choix de Sophie, mais avec des blagues. Moi, c'est comme ça que je vois le film. Et du meurtre aussi, un peu. Bah, c'est ça, ça... Bon, alors, pitch. Bah, ça fait peur. Colin Farrell joue un célèbre chirurgien qui, un jour, a dérapé et a accidentellement tué quelqu'un sur la table d'opération. Et il se trouve que le fils de ce quelqu'un se lie d'une amitié étrange, ambiguë, ouais. Une relation bizarre, voilà, ouais. très voyeur avec Colin Farrell, et il se rapproche de sa femme et de ses enfants, tout ça est extrêmement flippant, et arrive un moment où cet ado dit le pourquoi tout ça, il dit mon gars, t'as buté mon père, moi j'attends de toi maintenant que tu sacrifies soit ta femme ou soit un de tes deux enfants, sinon vous quatre, vous y restez. Mm-hmm. Et Colin Farrell, bah, pourquoi tu me menaces, j'ai appelé les flics et tout. Et en fait, il faut pas prendre ces menaces à la légère à cet ado, parce que c'est pas totalement un être humain, c'est pas totalement une créature non plus, mais il a une emprise mystique, mm-hmm, sur le monde et en tout cas sur cette famille, puisqu'il arrive à les paralyser, il arrive à faire en sorte qu'ils saignent des yeux, il arrive à faire en sorte qu'ils arrêtent de s'alimenter. Et donc, Colin Farrell sera obligé de sacrifier un des membres de sa famille, sinon il a conscience que ce garçon... Il va pas s'arrêter là. A le pouvoir de massacrer, de supprimer des gens. En fait, c'est une espèce de dieu ou de démon. Mais c'est ça, démon, en plus, qui fait un peu peur avec ce film, c'est que c'est jamais confirmé qu'il a des pouvoirs magiques ou quoi que ce soit. Ah, donc un tu peu, dis quand même. Oui, non, mais tu peux très bien interpréter de juste c'est un master manipulateur, ouais, et que c'est parce qu'ils sont tellement matrixés dans leur tête qu'ils ont peur de lui, qu'ils font ça un par peu comme eux-mêmes. De l'hypnose, mais mais ils s'en rendent pas vraiment compte, c'est subconscient et tout. Et c'est pour ça que il fait peur ce film, parce que psychologiquement, en fait, il fait ultra peur. C'est très dur. Il n'y a pas de screamer ou quoi que ce soit, mais. Il fait peur, mais moi je trouve que c'est très drôle aussi. Oui, c'est ça. L'humour propre à ce réalisateur-là. L'humour très noir. Très Lanthimos. Colin Farrell, moi, j'ai encore en trauma cette scène où t'as Colin Farrell qui confie un truc de son enfance à son fils pour ensuite le menacer de manière complètement ridicule. Mais c'est ça tellement loin que t'as un rire ultra nerveux, c'est en ça, fait. Ouais. T'es mal à l'aise, en fait, du coup. Tu t'es rigoles. Mal à l'aise, mais tu en même temps, rigoles. La façon dont il le dit, mais oui. Dont il... livre dont sa ils réplique. Disent tous, enfin dont ils parlent tous, enfin c'est quand même. Mais ils sont tous hypocrites entre eux, c'est ça qui est ouais, incroyable. Et il y a une scène géniale, par exemple, où Colin Farrell qui hésite, en fait, qui doute sur qui sacrifier. Il va voir le proviseur du lycée de ses enfants. Il demande c'est quel le meilleur des deux. C'est qui est le plus absent. Qu'est-ce qui a les meilleures notes en histoire géo ou quoi. Et c'est caustique. Mais tu vois, dans le top des meilleurs monologues de papa au cinéma, il y a celui-là, et à côté, celui de Call Me By Your Name, tu vois. Pour moi, c'est au même niveau. Ils me font pleurer les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Victor, peut-être un aussi. Alors, moi, c'est un film espagnol, Balada Triste, de Alex de la Iglesia. Alors, si vous allez voir, si vous recherchez sur Google, vous allez voir l'affiche et vous allez peut-être vous dire. Encore une histoire de clown. On en a marre de voir des nez rouges fascistes à Gotham City ou des clowns araignées. Putain. Des clowns araignées. On aurait dû enregistrer cette émission avant que le Joker sorte, si j'en peux plus. Ou des clowns araignées tueurs de Xavier Dolan. Oh. Mais ça va être bien plus que ça, Balade à Tristé. Ça, chapitre 2. Mais pourquoi Pennywise, c'est une araignée. Hein. C'est une araignée à la fin de ça. C'est un shapeshifter qui se transforme en clown parce que les gamins... Bon, attention, spoiler alert. Moi, j'ai rien compris à ce qui, film, en fait, alors. Il se transforme en clown parce que c'est les peurs des enfants. Mais en vrai, c'est un alien qui ressemble à une araignée. Après, c'est peut-être moins... Après, c'est Stephen King qui, pardon, c'est des meilleurs clowns. Faut lui demander. En parce que, alors, ça va bien plus loin que ça. Et qu'est-ce que donc Balada Triste? C'est un. Est-ce que ce serait pas une balade un peu triste? Voilà. C'est totalement ça. Bilingue C'est espagnol. une. En fait, on est clairement dans l'histoire de l'Espagne, en fait. L'histoire de l'Espagne au 20e siècle. Donc, avec le franquisme et tout Tous ça. ces trucs pas Pas top. très cool, pas très sympatoche. Et on va suivre, en fait. Un clown, enfin une personne qui s'appelle Javier, il me semble. Ça fait très longtemps que j'ai vu On va ce l'appeler film. clown. Le clown triste, parce Clown que triste. il veut devenir clown comme son père, mais son père, pendant la guerre civile, il a été enrôlé de force Bah par oui. la force républicaine contre Franco, et en gros, s'est fait exécuter. Et faut voir déjà, pour donner le contexte, ce début surréaliste. Où on voit un clown en tutu qui massacre des soldats de Franco à la machette. Voilà. Ouais. Ce clown, Ça plante bien son le décor. fils, du coup, va reprendre la lignée de son père, il va devenir clown, mais à la demande de son père, qui lui dit, tu as connu trop de choses tristes, tu vas devenir un clown triste. Et il va intégrer une troupe de cirque. Et alors là, on est vraiment dans du. On est presque dans du freaks, quoi. Ouais, Sans c'est fou, ça. le côté monstruosité. Mais on va voir qu'on a des individus, ce sont des gros bras cassés, des gros outcasts. Il y a un cascadeur raté. Et il y a deux personnes sur lesquelles tout le film va jouer, en fait. Il y a le clown joyeux, le clown drôle. Qui est complètement abject dans la vraie vie, Ouais. qui est joué par Antonio de la Torre qu'on a vu dans El Reno, Ah, ouais. il est complètement abject, il est violent, alcoolique, Évidemment. et il est en couple avec Natalia, qui est la trapéziste du cirque, mais Bah évidemment, il va pas être en dont. couple avec la femme à barbin, Dont. hein? Ça fait le cœur. Je m'énerve toute seule. dont Javier va tomber amoureux. Et Clown triste, donc. le clown On tombe triste amoureux va de tomber la meuf de amoureux. clown joyeux. Et à partir de ça, le film, ça va être une représentation complètement baroque de l'enjeu de la guerre civile, en fait. Donc le clown joyeux, abject, représente Franco. Lui, il va représenter les révolutionnaires. Et la belle Natalia n'est autre que l'Espagne tant Qui convoitée, ouais. tant chérie. Mais au-delà de ce petit côté court d'histoire que Alex de la Iglesia montre, tu vois que c'est quelque chose de très personnel. Le film est truffé d'événements Trouffé. et de personnalités, de personnages qui ont réellement vécu. Ouais. Et Et pourquoi ça fait peur? pourquoi ça fait peur? Mais voilà, très bonne question. Ça, c'est des clowns. C'est dans Ouais, un. déjà, C'est dans. l'affiche me fait peur, moi, je refuse de voir ce C'est film. dans un milieu de. Voilà, on est proche du de Todd Browning. Du Frix, On de est Todd proche Browning. de Freaks. Voilà, c'est. On a une troupe complètement chelou, en fait. Et c'était vraiment je trouve, un sommet d'humour noir. En fait, le film est affreusement méchant. Extrêmement cruel. Moi, j'ai vu le film vraiment au hasard, au cinéma, en fait. J'étais censé voir autre chose et je n'avais pas pu. Et c'était la dernière séance pour ce film, Super en plus. dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais pas pris le temps de voir. Et je me suis pris une grosse baffe assez sévère devant ce film qui te fait passer par toutes les émotions possibles. C'est les 10-15 dernières minutes, je crois que c'est l'un des moments les plus traumatisants que j'ai pu voir au ciné, Ah ouais. vraiment. Et Sachant que ça s'ouvre quand même sur un clown qui massacre des gens, donc ça doit être très chaud la fin, c'est très très. si ça te traumatise plus que le début. C'est très chaud et c'est. Pourtant, le film est drôle, c'est vraiment une curiosité en fait que je conseille pour Halloween parce que c'est à la fois drôle mais en même temps non, un peu comme Mise à mort du cerf sacré, mais peut-être encore plus lourd. T'es très gêné de rire. Moi, il y a un running gag avec un cascadeur où la manière dont le running gag se termine, j'étais extrêmement mal. C'est vraiment, vraiment, c'est un film que je vous recommande. Je sais pas si vous connaissez ce film. Bah, moi, je connais deux noms, mais je veux pas le regarder parce que clown. Mais vraiment, c'est une petite pépite. Ouais, c'est mon film préféré de ce réalisateur qui a vraiment eu des périodes de haut et de bas. Et c'est vraiment un hommage à son pays, c'est un hommage au cinéma de genre. Le générique, c'est un générique ultra vénère sur fond de musique, tendance militaire, où tu vois plein d'images d'archives de l'Espagne qui sont juste apposées à des images de films d'horreur, de Cannibal Holocaust à Frankenstein. Ça donne le ton, quoi. Et pas la joie. Si vous voulez faire une soirée sympa entre potes, peut-être pas la meilleure recours, quoi. Ah, si, non, mais en soi, si, parce que le film est quand même. Le film, c'est quand même spectaculaire. Enfin, il y a plein d'actions dans ce film aussi. Oh, mais ça te déprime plus que ça te fait rire, non? Ah, tu... Si t'en sors traumatisé... C'est le genre de film où c'est tellement chelou qu'avec des potes, ça peut se faire. Après, tout seul, tu vois, c'est déprimant. Ouais. Avec des potes, où c'est le genre de film où tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et vraiment, voilà, c'est l'un des deux films que j'avais en tête. Et voilà. Bah, pas d'attrister, c'est marrant. Je vais rester sur l'Espagne et sur le film pas très fun. Thésis, d'Amenábar. Qui est un. C'est qui déjà Amenábar? Alors, il a fait les autres. C'est les autres, hein, ouais, c'est les autres. Je l'ai pas vu, j'ai vu que Thésis de lui. Et ultra flippant. Alors, c'est l'histoire d'une meuf qui fait une thèse, je crois, sur les Snuff Movies, un truc du genre. Et en gros, elle se fait aider par un de ses camarades de la fac et elle découvre. Enfin, elle fait toute une enquête sur des Snuff Movies, sur. Enfin, je sais plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais il me semble qu'elle découvre des cassettes. Et en gros, tout le but, c'est de découvrir qui a fait ces Snuff Movies et tout. Et enfin, il y a des trucs super durs à regarder parce qu'on voit les Snuff Movies qu'elle regarde. Et en même temps, c'est ultra flippant parce que tout le monde devient un potentiel psychopathe qui tue des gens devant une caméra. Et en même temps, c'est ultra glauque parce qu'elle a, elle a vraiment une curiosité malsaine pour ce truc. Elle est même limite pas dégoûtée par ce qu'elle voit, elle est juste, elle veut en savoir plus, tu vois. Et c'est, pour ah, c'est intéressant, enfin, c'est... ça vend vraiment du rêve théorique, ce pitch. Enfin, c'est vraiment ah, mais il est trop bien, il est trop bien le film. Le voyeurisme et... Mais justement, ouais, c'est... je l'avais vu parce que à l'époque, quand je l'ai vu, c'était pour faire un projet sur le voyeurisme. Justement, au final, j'avais choisi un autre film dont je vais parler après, mais du coup, j'ai regardé ce film et il est vraiment ultra intéressant, il est ultra flippant et franchement, c'est un super bon film. Et, un bon cinéaste aussi. Bah oui, en l'occurrence oui, j'ai vu que ce film de lui, mais j'en ai vu qu'un seul et j'avais pas du tout aimé. C'était quoi? C'est, alors j'ai même plus le titre, mais c'est un. Ça t'a marqué. C'est vous en avez peut-être entendu parler. C'était avec Ethan Hawke et Emma Watson. Ah oui, non, ouais, c'est pas bien ça. Faut revoyer les autres, revoyer Thésis. C'est... Je connais pas. Mais regardez Thésis. C'était quoi le nom déjà? C'est quand même assez sombre et assez flippant, donc peut-être pas très fun pour une soirée d'Halloween ou quoi, mais si vous voulez vous faire une petite frayeur sans qu'il y ait de screamer ou de trucs qui te sautent à la gueule et qui te hurlent dans les oreilles, c'est un très bon film. Amaury, un autre? Bah, dans le genre film d'horreur qui n'en est pas vraiment un et qui est prétentieux as fuck et qui fait n'importe quoi, le diptyque Mother de Aronofsky plus le Suspiria, le remake de... Réaction d'onomatopée. De Luca Guadagnino. Luca Guadagnino, voilà. Alors, deux films de malades mentaux au scénario complètement alambiqué. Alors, Mother, c'est la Bible copier-coller en mode on met Jennifer Lawrence et on dit pas Jésus, mais voilà. Mais quand c'est clairement la Bible. Belle, tout ça, mais voilà. C'est clairement la Bible, c'est pas du tout. Hein. Enfin, le mec il a rien écrit quoi, c'est une adaptation de la Bible quoi, en gros. Bah alors, il y a quand même un concept, je sais pas si t'as vu le film ou si t'as oui, je l'ai vu, non, je le... mais il y a un concept génial quand même de supprimer toute cohérence géographique et tout. En fait, c'est vraiment un film. Ouais, c'est ça, c'est totalement conceptuel. Il y a une maison et autour le vide, et c'est un univers, et c'est à nous de comprendre en fait comment fonctionne cet univers. Et c'est très ludique en fait, parce qu'au début on est piégé là-dedans, on se dit est-ce que c'est un film d'horreur, est-ce que c'est un truc de home invasion et ils vont tous mourir les uns après l'autre, c'est pas du tout ça. Ouais. Plus on avance dans le film et plus on voit des surgissements de scènes extraordinaires qu'on voit pas y arriver, il y a des guérillas, il y a des trucs bibliques, il y a des... Il y a le des... bébé. Il y a, bah, il y a oui, des bah, bébés. C'est clairement la Bible, voilà. De toute façon. Si vous avez lu la Bible, voilà et, quoi. Et il y a une gestion de l'espace dans ce film, une gestion du, ouais. du gros plan qui est assez extraordinaire. Et moi, j'adore le concept du film. J'adore Jennifer Lawrence dans sa performance. Et pour moi, au niveau horreur, ça fait vraiment le taf parce que j'étais littéralement horrifié au premier degré. Mmh. Moi, je m'étais recroquevillé sur mon siège, moi, vraiment, ah littéralement. Ouais, ça m'a vraiment étouffé tout le long, en fait. Y a un malaise qui se fait sentir au début, mais qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Et à la fin, on est vraiment dans de l'horreur pure et... Sans en dévoiler, mais moi, le combo bébé plus coup de poing, ça m'avait vraiment... J'avais envie de me cacher et de dire « Ah, mais c'est pas possible de... » Moi, c'est marrant, ça m'a pas fait... Déjà, ce film, alors, spoiler alert, j'ai pas aimé, mais il m'a pas fait peur, il m'a juste saoulé et j'ai trouvé que c'était de la violence gratuite, en fait. Et du coup, je suis en mode « Ouais, bah, enfin, Aronofsky, merci, c'est bien, quoi. » Ouais, c'est Aronofsky aussi, faut adhérer sabots, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas le plus subtil des gars. Hein. For a Dream, oui. C'est ça, il a toujours fonctionné par crescendo. Vers la douleur. Et... Ouais, c'est ça, c'est du spectaculaire. Le montage s'accélère, le scénario s'intensifie. Et... Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que. À la fin, on ressort comme si tu sortais d'une machine à laver, quoi. T'es vraiment essoré par son cinéma. Et j'adore ces crescendo qui montent, qui montent, qui montent. Et alors Suspiria, qu'est-ce que c'est comment ce parler. C'est moi j'ai vraiment l'impression que ce film a été écrit par Satan. Enfin c'est oui. le même. Enfin tu non, regardes le scénario, par... il est hanté de tous les côtés. C'est une émancipation par le mal. Je sais pas comment décrire. C'est complètement cinglé en fait d'avoir réalisé un film pareil aussi radical, aussi nébuleux, aussi bizarre, gore, autant dans le sens comique du terme que dans le sens terrifiant du terme. Hein. Remember la scène de danse avec les contorsions. Oh, j'ai mal aux oreilles. Et pour le côté comique, Remember la fin avec la musique de Tom York. Les Jérémiades de Tom Moi, York. Moi, j'aime bien. Avec des sorcières qui explosent d'autres sorcières, etc. Mais, c'est symbolique. Sacré péloche, là encore. Vous êtes vachement gentil avec les écrits Tumblr. Mais ça ne fait pas peur. Moi, il ne m'a pas fait peur. Moi, le film m'a quand même progressivement inquiété. Il y a une étrangeté dans ce film. T'es mal à l'aise, inconfortable. C'est pas un film confortable. En plus, on ne comprend rien de ce qu'on voit. Moi, j'ai tout compris. Mais c'est peut-être parce que c'est subjectif, le cinéma, j'ai envie de dire. Victor, pas convaincu. Est-ce que t'en as un autre qui fait peur? Je suis sûr qu'il est joué par Tilda Swinton aujourd'hui, Victor. Putain, il va enlever son masque, ça va être Tilda. J'aimerais tellement. Malheureusement. Désolé, hein, mais. Là on va parler de cinéma, là. Petit aparté. Alors, moi, je vais vous. L'un des films les plus déglingos des années 2010. Attends, je recite Victor. On va parler de cinéma. Et voici... Une minute plus tard, déglingo. Dans la même phrase. Et bah, c'est Killer Joe de William Friedkin. Oui, tu m'en avais parlé. J'aime bien Friedkin en plus. Déjà William Friedkin, forever dans mon cœur. Mm. Voilà, c'est des plus grands du cinéma américain. Tu parlais de Tumblr et là que tu me dis forever dans mon cœur. j'étais aussi sur Tumblr avant. Hein, bon, voilà, dans les révélations, quoi. Exclu, et... ça. Et alors, Killer Joe, c'est une famille de redneck. Il y a Thomas Eden Church, Emil Hirsch, celle qui est aussi dans Bound, mais je sais plus. Gina Gershon. Gina Gershon, ouais. C'est une famille de redneck. Emil Hirsch, qui joue le fils complètement paumé, il va demander à son père. D'engager un tueur pour tuer la mère et toucher son assurance. Laisse-moi deviner, Est-ce qu'il s'appellerait pas Joe le tueur? Exactement, mais waouh, comment t'as deviné? Perspicace. Et donc Joe, qui est joué par Le tueur. Matthew McConaughey, qui est un policier shérif le jour, mais la nuit un tueur, et il va dire, ok, je veux bien faire votre truc, à une seule condition, vous me donnez l'argent en liquide. Évidemment, ils n'ont pas l'argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donner en caution La fille. la fille, alors, sommet de malaise, qui Évidemment. est censée avoir, si je me souviens bien dans le film, 12 à 14 ans, et qui est jouée par Juno Temple. Ça pue. Ça pue, ça Et pue. c'est un. Voilà, donc on est encore dans du malaise qui va totalement crescendo. C'est, il te montre le Texas de manière ultra crade, Évidemment, c'est au Texas. c'est ultra poisseux. Il pleut tout le temps dans ce film. Les personnages sont pas aimables du tout. On est dans des caravanes. Et c'est, y a un côté très théâtral en fait, où c'est vraiment limite acte 1, acte 2, acte 3. Et il y a un point d'orgue qui est absolument mémorable dans un salon de caravane. Enfin, le salon d'une caravane, pas le salon de caravaning à Paris Expo. Comme le salon de Voilà. l'auto, mais avec que des caravanes. Voilà. J'en rêve, mon Et rêve. ça explose de manière complètement atroce. Vous ne verrez plus jamais le KFC de la même façon si vous voyez Oh ce là. film. Ça se finit dans une explosion de violence, mais absolument inouïe, qui, moi, m'a retourné, qui se termine sur les deux lignes de dialogue les plus improbables et géniales de tous les temps. Et cerise sur le gâteau, c'est écrit par Tracy Letts, que vous avez vu, parce que vous avez vu comme moi Lady Bird, et il joue un mec qui a pondu un truc aussi tordu. C'est simplement le mec qui joue le papa adorable de Lady Bird. Putain, comme quoi on croit connaître les gens, et au Et final. voilà, c'est complètement ravagé comme film. C'est, moi, je trouve ça complètement dingue. C'est vraiment le film où plus tu le regardes et plus ta mâchoire s'enlève en fait. Tu t'es estomaqué et t'en sors complètement sonné. Et ça là, c'est. C'est, voilà, c'est, voilà. Regardez Killer Joe, si Voilà. vous avez l'estomac bien accroché. Ah ouais, Et ça, il faut bah, moi l'avoir. je parlais de Thésis, je disais que je l'avais regardé pour un truc sur le voyeurisme, qu'au final j'ai choisi un autre film. Cet autre film, c'est quoi? Cet autre film, c'est deux films en fait. C'est Funny Games de Haneke, les deux versions, parce que j'adore beaucoup les deux versions. J'ai regardé la version US, donc la deuxième avant la version originale, parce que j'avais du mal à la trouver, la version originale. Bref, si vous savez pas ce que c'est Funny Games, c'est la même idée que The Strangers, la même idée que The Purge, un peu. Enfin, que le premier The Purge, en l'occurrence, c'est des gens qui vont dans leur maison de vacances au bord d'un lac, je sais pas quoi, et il y a deux gars qui débarquent, et en fait, pour les tuer, tout Ils vont simplement. foutre le seum, le Ils foutent bordel, le dawa le et c'est box. juste pour s'amuser et les tuer et tout. Et il y a tout ce truc de briser le quatrième mur, de voyeurisme, de violence malsaine et tout. Et ça fait Deadpool, très mais très en peur. pas Deadpool, mais en pas rigolo du tout, en Ah, c'est fait. pas drôle du tout, à moins que vous ayez un humour vraiment très chelou. Et dans ce cas, j'ai pas Moi, trop envie de vous alors, connaître. moi, on m'a raconté parce que à mon lycée. J'avais pas encore intégré la section audiovisuelle, mais c'était en seconde. Et ils avaient montré ce film à des Oh le étudiants, à flip. des lycéens en seconde. Et T'es en seconde en plus, t'as 15 ans quoi. apparemment, ça faisait marrer le prof qui leur a Oula, montré. j'ai pas envie d'avoir Et ce prof. C'est un prof d'histoire, c'est c'est ça? du. En même temps, c'est un film sur le sadisme, Ouais, c'est ça. Funny Donc c'est Games, un et sadique. ce prof devait être tout aussi sadique que Michael Haneke quand il Ou alors il montrait son se film à moquait Cannes, quoi. du personnage de Brady Corbett qui est un peu Ah, ridiculisé, tu Bouboule, vois, ouais, qui est un Bouboule. peu tout penaud et tout. Oh, j'ai pas envie Ouais, de mais tuer les je. gens. Mais qui au Mais final est franchement, le moi, pire, je. je trouve. Alors, petite aparté, petit pavé sur la mare. J'aime beaucoup Sur la Bradley mare. sur la mare. Dans Non, la dans mare, la ouais. mare. Ah J'aime oui. beaucoup Bradley Corbett, mais je me demande sérieusement, vu les tournages qu'il a fait très jeune, enfin qu'il a Mysterious kill, fait hein. en. Bah ouais, voilà. Je pense que quand tu vois les Le films qu'il pauvre. réalise maintenant, Il faut qu'il fasse. J'espère qu'il a un psy, un il bon faut psy, hein. qu'il fasse un Teletubbies. Le film Barney, là, qui est en préparation, Oh. il faut que ce soit lui qui le ce fasse. Ce projet m'effraie. Parce que ça t'effraie, Barney le dinosaure. Bah non, mais le projet de faire ça en film, c'est chelou. C'est pourquoi? C'est comme si tu faisais Casimir en live action, c'est brillant. J'adorerais voir ça. J'en reviens à la pub 13ème rue qui me faisait peur. Casimir pour moi, avec c'est la même chose. Un film Casimir, une comédie française Casimir. Non, non, oh, putain. Avec Christian Clavier. Ah, là j'ai peur. Banco. Là c'est pas un film d'horreur qui me fait peur. donc oh, oui, ouais. Funny Games qui en plus de faire très peur parce que en fait, le truc c'est que tu t'attends pas. Enfin, en général, quand tu regardes un film qui n'est pas un film d'horreur, tu t'attends pas vraiment à ce que ça te fasse peur, tu t'attends à de la science-fiction ou à de l'action ou à du drame ou à un truc un peu chelou et quand ça te du coup ça te terrifie encore plus parce que ça déclenche quelque chose en toi et t'es en mode ah, je m'y attendais pas à ce que la peur elle arrive comme ça et du coup ça fait d'autant plus peur et en plus de ça c'est un très bon film et super intéressant à étudier si vous aimez bien étudier les films. Voilà. Ouf, ouais. Flemme, bah, mais si ça vous intéresse de réfléchir un peu pendant que vous regardez un film, et ben c'est moi, super c'est la limite que je trouve au film en fait, c'est qu'au final je trouve Funny Games extrêmement théorique. Et ça bouffe tout en fait. Toute la moi, je trouve pas. Le premier, le deuxième, je le trouve plus fun à regarder que le premier qui ouais. est plus enfin, antélo, remake, je trouve. Ouais, le US. Bah, c'est, enfin, bah, c'est pareil, exactement le même aussi. Ouais, mais il y a ce truc américain qui. Parce qu'il y a quelques. Il y a des mini-changements. Je les ai vus tellement de fois ces films. Bah, déjà, il y a un changement de taille. Il y a quand même. Merde, j'oublie. Naomi Watts. Non, l'autre avec Timur. Google. Michael Pitt y a et Michael Pitt. Oh, je l'adore. Oh là là, Michael Pitt. Michael Pitt. Voilà. Je sais pas quoi dire. Non mais juste Michael Pitt qui est dans le film de Gus Van Sant. C'est ouais. ça, c'est Gus Van Sant sur Last Days. Ouais. Sur Kurt Cobain. Kurt Cobain, merci. Qui est un excellent acteur et qui ne fait plus rien à bon sens. Il fait quelques petits rôles maintenant. Ouais, voilà, mais il nous manque, Donc bref, Funny Games, moi j'adore. Moi, enfin, c'est... j'adore, mais en même temps, je le re-regarderai pas. Bah, je l'ai vu assez de fois, quoi. Moi, c'est bon, ça me va... je suis vacciné. Moi, sur le même thématique et pas Anneke, je préfère à la limite Caché, avec Daniel Auteuil. Ou non mais en gros c'est l'idée qui est quand même absolument dingue, c'est qu'en fait le film c'est Daniel Auteuil qui joue un mec qui en gros il présente la grande librairie sur France 5. Je connais pas, j'ai pas tes rêves de vieux Victor, désolé. Mais il présente une émission style Le Masque et la Plume, style, ouais, okay. Style la grande librairie. Il joue un intellect qui pèse quand même à Paris. Et il reçoit des vidéos d'un gars qui, en fait, filme sa rue, filme sa maison. C'est la vraie vie de Daniel Auteuil et de plein de rostas, en fait. Il les filme, c'est genre, tu vois, la vidéo. C'est flippant. Et c'est le générique, en fait, c'est la première scène du film. C'est vraiment un plan fixe devant sa maison. Il se passe rien du tout pendant 5-10 minutes. Et il y a plein de plans comme ça dans le film. Ah, c'est trop flippant. Et... petit à petit, en fait, ce que Anneke va faire, c'est qu'il va se mettre au même niveau que ce gars, où en gros, il va observer la vie de ce Daniel Auteuil, qui va rechercher pourquoi cet individu, qui il est déjà, et pourquoi on lui envoie ses films. Ah, parce qu'il lui envoie en plus, ouais. Parce qu'il lui envoie, et ça va foutre peur, ça va faire peur à sa femme, qui est jouée par Juliette Binoche et tout ça. Et on va se rendre compte qu'en fait, ce Daniel Auteuil. Attention, ben, je spoil pas, mais. Il n'est peut-être pas si propre sur lui-même. Mais... est-ce que ce serait pas un peu comme tous les gars de la télévision et écoute, moi je balance comme ça. Je trouve que dans le terme théorique et dispositif, c'est un grand libéré de France. Voilà. Arrête, j'aime bien France Inter. Jérôme Garça, pour ceux qui écoutent France Inter. Je ne connais pas. Mais si tu nous écoutes, bah écoute, on t'embrasse. sur le plan théorique, parce qu'en fait. Je trouve que ce film, il compte vraiment sur la mise en scène et sur l'écriture pour. Rien que le truc de filmer quelqu'un à son insu, moi, ça me fait trop peur. Pour foutre une tension déjà et pour dire quelque chose. Parce que moi, Funny Games, ce sont des films que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Mais le problème avec Funny Games, c'est que c'est un peu de la théorie poète-poète. mais je suis totalement d'accord. En gros, c'est. J'aurais dû écrire ça dans mon rendu final. Théorie poète-poète, 20 sur 20. Allez. Ou en gros. Tiens, spectateur, tu es voyeur, tu aimes la violence. Non, mais tiens, c'est ça. La violence. Surtout que tu lis en interview J'avais eu les interviews à l'époque, en fait, où Anneke avait sorti le film. Et je trouvais vraiment que c'était un argumentaire un peu de bas de plafond de dire. Ouais, ben vous savez, j'ai fait ce film parce que les Américains nous emmerdent, enfin les autres De réalisateurs nous fou. emmerdent avec Quentin Tarantino, avec Oliver Stone, avec il prend aussi comme exemple John Woo. Et il dit, et vous nous emmerdez avec cette violence-là, et moi je veux montrer que c'est pas ça. Et dans ce cas-là, très bien, la violence dans Funny Games, elle est glaçante, elle est affreuse. Moi j'ai encore en tête le plan séquence où, après que l'un des personnages Ouais, meurt, ouais, ouais. ben Mais c'est ça c'est. que je comprends pas. Enfin, j'ai Je jamais pensais pas compris à ne lancer que un gros pour ça, débat c'est sur Funny qu'il Games. nous donne des leçons sur la violence et notre rapport à la violence, mais je trouve que la violence qu'il filme dans Funny Games, elle est complaisante aussi. Oui, non, mais oui, non, Mais mais il y a justement, ça aussi, il y moi a. j'ai alors moi j'ai je m'en fous des interviews et tout. En plus, à l'époque où c'est sorti, j'en avais encore moins Bah, quelque chose à t'avais foutre du. 2 ans. Bah non, mais tu dis à l'époque, j'ai vu les interviews à l'époque où il a sorti le film et Ah tout. non, non, mais à l'époque, enfin, les interviews qu'il a sorti à cette époque. Non, j'ai pas vu les. Ah oui, bah moi j'ai pas vu les interviews et tout, parce que voilà. Et juste le film en soi, je l'ai pris tout seul, sans rien, j'en ai fait ma propre interprétation et tout. Et moi je le trouve super, et je trouve que ce qu'il dit de la violence, ça révolutionne pas un débat qui a 2000 ans, quoi. Mais c'est assez intéressant et ça vaut le Bah, coup d'être vu, quoi. l'essai est excessivement intéressant quand même. Enfin, la Oui, mise en bah scène ouais. se pose là, quoi. Bah c'est clair. Et puis en plus, si vous voulez juste pas vous prendre la tête et voir un truc qui fait peur, mais qui a pas des trucs qui te gueulent, genre la Dame Blanche ou des conneries Ouais, comme genre ça. ça, deux. Ouais, genre ça deux, ou genre si vous avez la ref, la Greenhead, cette vidéo virale que je ne vous recommande pas, ou la vidéo de la voiture avec le zombie, Ah oui. qui m'a Ah, ce traumatisé à vie, trauma, merci la télé. merci. On voit Bah ceux qui ont voilà. regardé les enfants de la télé à l'époque. Non, c'était sur. Moi, j'avais vu sur Comment Dailymotion. ça s'appelait? La nuit des C'était plubivores, parce qu'ils l'ont passé. une chaîne genre de clips. Et je regardais une nuit spéciale The Offspring. Il me semble que c'était dans cette nuit-là. Parce que je voulais absolument. Parce que oui, à l'époque. Non, T'étais fan des Offspring. C'est pour ça que t'as dit que The Offspring t'es kiffé. c'est Eve en plus qui m'aimait bien. Mais en fait, on voulait absolument voir le clip de Pretty Fly. Et en fait, à l'époque. On pouvait pas aller voir des clips comme ça comme on voulait sur YouTube et tout, et du coup on attendait, on avait regardé toute la nuit, comme ils l'ont passé à la fin, parce qu'évidemment c'était la plus récente, et du coup il y avait eu cette pub, il me semble que c'était pendant cette nuit-là, alors Eve si tu nous écoutes, et si c'est faux, ben corrige-moi, mais il me semble que c'était pendant cette nuit-là, et j'avais vu ce truc, et ça m'avait... C'était horrible! Pourquoi Ouais. passer ça à la télé comme ça? C'est affreux. Bah moi ouais non moi c'était sur les mails que les gens s'envoyaient Oh, à c'est la ça, j'en avais reçu con un ou aussi. C'était ah, on est trouve parti les sur le 7 point différences. screamer voilà. C'était trouve les 7 différences. Et moi, comme une conne, j'aime bien les jeux de 7 Ouais. différences. Et je clique. Et c'était deux images, genre un petit ruisseau, un truc tout, tout beau, bucolique et tout. Il n'y a aucune différence. Alors moi, je regarde comme une conne. Je m'approche super proche de mon écran. J'avais mon son à fond. Et là, la gueule de l'exorciste en rouge qui flash et qui hurle. J'ai fermé mon écran. Tu fermes ton écran, Ouais. au risque de ma Ah gueule. non, Tu fermes l'écran, mais la page elle est toujours ouverte quand tu le réouvres. Du coup, j'ai dû prendre mon courage à deux mains, réouvrir, me faire avec les yeux fermés et les oreilles bouchées et fermer la page sans rien voir. C'était moi, on horrible. m'avait fait la blague, il y a un truc, c'était le point rouge. Ah Où oui, en c'était gros, c'est un horrible ça. diaporama, c'est quand les Ouais. gens s'envoyaient encore des diaporamas Ah à oui, une la certaine belle époque. époque. Et en fait, c'était trouve le point rouge. Alors au début, c'est facile, tu vois. Horrible. Et à un moment, t'as Nemo. Et donc forcément Nemo il est Ah, le quoi? petit Il est Nemo. orange rouge, ouais. Il est blanc orange. Oui, Bah, c'est un poisson et moi je rouge. suis là genre oh Nemo Victor trop bien. Et là avait 6 ans. ouais, c'est ça. Et là d'un coup ça clique et bah l'exorciste. Bah, ouais, c'est comme la Greenhead, hein. Je sais pas C'est si quoi vous. ça la Mais la Green. Greenhead? C'est le plus connu. Et c'est le premier que j'ai vu. C'est C'est. la wheelchair? Encore une fois, c'est Eve qui me l'a fait voir. Merci Eve. Parce que moi, je refusais catégoriquement de regarder ce truc parce que je savais ce que c'était. Et Eve, à chaque fois qu'elle le regardait, parce qu'il regardait ça entre potes pour déconner, alors je trouve pas ça drôle, mais bon, bref. Et je me cachais dans le placard de ma cuisine. J'étais pareil au bout d'un moment, moi Je me aussi. cachais dans le placard de ma cuisine et un jour, il y avait une copine à elle qui était venue. Elle le regardait. Elles ont mis la vidéo. Elles ont commencé la vidéo. Je suis partie me cacher. Et j'avais mes oreilles bouchées et tout. Et elle me dit, c'est bon, c'est terminé. Moi, j'avais pas calculé le temps. Ouais. qui était passé, tu vois. Je fais confiance Ouais. aveuglément parce que j'étais jeune et naïve et que j'avais encore confiance aux gens à cette époque. J'arrive pile au moment où il y a la Green Head. En fait, la vidéo, c'est un appartement tout blanc et tu vois une espèce de fantôme, enfin, tu vois une vague, un truc chelou qui passe comme ça. Tu fais pas gaffe. Et en fait, ça te dit avant de regarder la vidéo de mettre ton son à fond, enfin, en gros, de te mettre en condition. Et comme t'entends pas, il n'y a pas de son, il n'y a rien, tu t'approches, tu mets ton son plus fort et tout, et en fait, il y a une meuf, même pas qui fait peur, tu sais, juste une meuf normale avec un casque sur les oreilles, toute verte, genre vert fluo, et qui hurle, en fait. Mais juste, enfin, c'est pas un zombie, c'est rien, c'est juste une meuf avec un casque, et en fait, elle, comme si elle écoutait de la musique, elle crie, et ça arrive d'un coup, c'est un screamer, en fait. Et c'est le premier screamer que j'ai vu, et ça m'a traumatisée, et je te hais, Eve, voilà, si tu nous écoutes, je te déteste. Voilà. Et donc voilà, c'était Vous la pouvez petite partie faire une screamer. soirée screamer hein, pour Bah, si vous Halloween avez aussi, le cœur bien accroché. si vous voulez faire Ah, mais une... cette mode, c'était horrible. T'en avais eu, toi, Amaury, ou pas? Parce que tu te fous de notre gueule depuis tout à Ouais. l'heure. Et... Non, moi, je me suis fait avoir, c'était un jeu où tu devais faire bouger un carré dans un labyrinthe, et t'es Ah très concentré, oui! et après t'as cette fille de l'exorciste, Ouais, avec la vidéo de l'Allemand, là, qui pète un plomb. Ah, Oui. c'était horrible Ah, c'est ça, horrible, mais pauvre gars, c'est le comme ça que pauvre. je l'ai vu, j'avais mal au cœur pour le gars, et Le ça me... pauvre, qui a pété son ordi en plus. Et... Double peine. Mais Mais... cette mode des screamers, c'était horrible. Et du coup, depuis ça, et ben maintenant, à chaque fois qu'on m'envoie un lien par mail, par Facebook, par quoi que ce soit, je demande c'est quoi? Avant de Moi, cliquer dessus parce que je suis terrifiée. on m'avait fait un coup horrible. Et c'était au collège, alors déjà, collège, pas marrante et tout, Ouais, voilà. pour personne, hein, Et c'est là, on horrible. me dit... Eh, il y a quelqu'un qui a fait... Il a fait Je sais de quoi tu vas parler. ton compte, qui s'est fait un compte à ton nom avec ta tronche dessus, Un compte, regarde. du coup, truc Et Facebook là? le lien, en fait, ça, donc ça a fait un faux lien Facebook, mais il y a un petit truc qui change. Donc Ouais. je crois que c'est genre le O qui devient un Ouais, 0, une tu vois connerie comme pas, ça, tu mais tu le captes vois pas. pas. Et tu cliques, et d'un coup, c'est en fait, c'est un lien flash de Screamer. C'est Lollipop, je sais pas quoi là. Ah, C'est pas peut-être. ça. Je sais plus. Et du coup. C'est, je me souviens de ce truc aussi, ça tournait. Bref, on vous a recommandé les screamers. Ouais. C'était la petite digression screamer, bah ça fait Entre deux peur aussi. Hein. bandes-annonces d'Alien Voilà, Tampon, c'est qu'on ça. va regarder Une après. bonne soirée. Le film de Anneke, c'est caché, c'est ça? Un truc avec Caché. Daniel Auteuil? Voilà, caché. Moi, j'en, alors là, j'en ai d'autres, mais c'est clairement pas des thrillers ou de l'horreur, mais ça me fait peur quand même. Est-ce que vous avez des derniers petits thrillers un peu quand même borderline psychologique qui feraient peur, mais qui sont pas clairement des films d'horreur? J'ai pas d'idée, mais voilà, mon meilleur film d'horreur de tous les temps, c'est Massacre à la tronçonneuse, qui Ah tue oui, toujours aussi excellent. peur aujourd'hui. Donc si vous l'avez Excellent. jamais vu, parce que c'est quand même devenu un vieux film Ouais, c'est vrai que qu'il est vieux, peut-être mais il est les culte. jeunes ou les gens de notre génération C'est n'ont vrai. pas eu l'occasion de voir, mais trouvez-vous ce film en Blu-ray, la restauration est nickel, et en même temps il y a encore la bonne vieille péloche 16 mm qui est Ouais, il toute est granuleuse, toute exceptionnel ce dégueu, film. à l'image de la maison de la famille qui est complètement terrifiante, folle, poisseuse et américaine, Allez, et c'est viens, on va génial. voir grand, on va amener grand-père. Voilà. Ah là là. Le fameux grand-père, le fameux papy qui veut des Pécho jeunes filles. qui veut frôler une Voilà. belle. Tous les Et mêmes. ses plans de fin incroyables à contre-jour avec le soleil, c'est Ah oui, il est une exceptionnel. Ah, merveille j'adore. ce film, de la folie pure et dure. Ouais, magnifique. Magnifique film de mise en scène. Victor, un dernier? Non? Un dernier, oula, alors. Mais plusieurs, hein, je sais pas. Moi, j'en ai... Il m'en reste quelques-uns. Moi, allez, je vais en dire un qui est The Two Jedi Girls, qui est un Ah film. oui, avec Brian Hilde, Je Brianna, bah, je sais plus crois, comment elle s'appelle, oui. mais je Qui l'aime. est. Alors là, qui on va changer Mais ça fait pas d'ambiance. vraiment peur. Ça fait pas C'est vraiment peur, fun, c'est mal, quoi. c'est fun, mais Un peu un peu malsain, mal quand stress, un même. peu malsain quand même. Où en gros, bah, ça me fait penser à Scream 4, d'ailleurs, ce pitch. C'est un peu. Bah, hey, tu vis Amaury qui cherchait un Scream à l'ère des réseaux sociaux, Bah je trouve que ça voilà. peut être ce film-là. Où en gros, ce sont deux adolescentes qui tiennent un blog. Enfin, au début, ça commence sur une traque d'un tueur en série dans une ville aux États-Unis, voilà, un petit patelin. Et donc, il y a deux adolescentes qui enquêtent sur ce tueur, qui tiennent un blog d'enquête sur les réseaux sociaux. Et en fait, elles vont, dès les 5-10 premières minutes, vont servir d'appât au tueur pour qu'elles-mêmes le capturent et lui demandent des conseils pour ensuite tuer des gens et alimenter leur blog et devenir populaire, car elles seules peuvent écrire sur ce blog en étant prétendues victimes aussi. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez fun. Vraiment une esthétique pop, Ouais, très super milléniale, coloré et tout. très colorée. La musique, elle est très catchy. Enfin, elle est Très un très. peu Assassination Nation dans, enfin, dans le même Ouais, délire, quoi. voilà, c'est Peut-être ça. en moins C'est bien. vrai que ce film-là a quelque chose aussi de Scream 4, Assassination Ouais, Nation. un peu. Il Je fait aussi j'avais un peu pas peur quand pensé, même, hein. mais. Tu te dis, Ouais, ça ouais. pourrait arriver, Bah, c'est sur flippant. Letterboxd, ils m'ont dit que c'était un film d'horreur. Bah, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est chaud parce que ça pourrait clairement arriver à n'importe quel moment, en fait. C'est flippant. Et c'est. Il y a un petit cast sympa. Il y a Craig Robinson, donc Doug Judy pour les fans de Brooklyn Ouais. Nine-Nine. Il y a le. Bah, il y a Brienne Hilde qui est Ouais. Negasonic Teenage Warhead dans Deadpool. Oui. Et il y en a. Alors, le nom m'échappe, c'est Josh Hutcherson qui était Josh aussi. Hutcherson qui est dans Voyage au Détention. centre de la Terre 2 avec Dwayne The Rock Johnson. Le bras de Rock, Et dans Hunger Games aussi, mais bon, éventuellement. Et voilà. qui est très rigolo dedans J'aime dans ce bien Josh film. Hutcherson. Et c'est vraiment un petit film, c'est un peu un bonbon sucré-salé en fait. Ouais. C'est très doux, mais plus le film avance, T'es t'es mal à très l'aise, mal ouais. à l'aise en fait en le Ouais, regardant. c'est vrai. Donc il est pas sorti en France. Il faudra aller sur l'internet. Les internets. Et voilà, ce serait mon dernier C'est ton péloche. dernier? Au moins, il m'en reste quelques-uns. Peut-être dans la même idée un peu pop, fun, mais qui me fait quand même. Moi, ça me terrifie. Mars Attack de Tim Burton. Juste les Martiens. La scène des Mais vaches au la début, gueule des elle est Martiens me fait horrible. peur. Et je l'ai vu gamine et ça m'a terrifié. Juste le rire des tout. Tout le Annette Bening rire, les transformée en costumes et chien, tout. quand même. Ah, mais il est très drôle en vrai le film, Mais même. oui, mais c'est. Parce que je l'ai regardé après plus vieil et j'ai rigolé. Mais j'ai toujours ce Moi, ça me souvenir faisait mourir de de. rire quand j'étais gamin, Oui, quand même. Ah, pareil, moi ça me bah, faisait moi, c'est ça, peur. Mais moi, je vous le dis, j'ai langage peur des de tout et de aliens. rien. Hack, Je les hack. ai vus arriver, j'étais en mode. Ah non! J'ai eu des Tom cauchemars. Jones. Il y a quand même Tom J'ai eu Jones des dans le film. cauchemars pendant des mois et des mois. Un autre truc aussi qui me fait peur, mais c'est pas vraiment un film, c'est je triche un peu, c'est l'idée d'un film, c'est le concept de The Purge. Ça me fait trop peur en fait. Le concept de une nuit dans l'année, tu fais ce que tu veux. Mais. Je trouve qu'il est super mal exploité dans les Bah films, ouais, voilà. mais l'idée, juste le Ouais. concept, me fait peur. Donc voilà, c'est tout, c'était random. Le seul qui se rapproche de l'idée, vraiment, c'est le 2. J'ai. Où Ouais. c'est avec Franck Griot, le petit chouchou du cinéma d'action, Péloche Série B. Et c'est vraiment le 2, on est vraiment plongé dans la ville, au chaos, tout ça. Et alors que le premier, c'est un home invasion un peu nul, hein, enfin, faut le dire, Ouais, c'est bof. vraiment Ringardos 2000. Bah c'est The Et Strangers, ouais. Sauf que The Strangers. le 3, ça fait une espèce de satire de l'élection de Mais moi, Trump. le 3, je le trouve plus intéressant parce que tu peux faire tellement de choses avec cette idée qu'ils ont pas faite dans le 1, que dans le 3, je me suis dit, enfin, ils l'utilisent pour faire quelque chose de plus intéressant, de plus approfondi. Mais après, exécution, peut-être pas ouf. Mais je me suis dit, enfin, ils ouvrent les yeux sur ce qu'ils peuvent, tout ce Le qu'ils peuvent faire avec. 4 était super cool J'ai pas par vu le rapport à 4 ça. par En fait, contre. c'est la première Purge comment ça se met en route en fait. Ah oui, c'est vrai que je Et faudrait faudrait que je le voie. en fait, tu Je sais vois, qu'il y a une bah série aussi, mais ouais, apparemment c'est pas j'ai folichon. vu des bouts parce que mon père la regarde Ah ouais? et Ça a j'ai pas. pas l'air fou. Déjà une série, enfin Et voilà, en bref. fait, le truc, c'est que le quatrième, ça se place aujourd'hui en fait. Et Ouais. tu te rends compte qu'en fait l'idée de la purge c'est vraiment une bah c'est vraiment une lutte de classe en fait Bah oui, et clairement. une lutte de classe et une lutte aussi raciste en fait d'une classe blanche privilégiée envers les citoyens afro-américains par exemple et le film va être un truc ultra vénère par rapport à ça et je m'attendais vraiment pas à ça même si l'abondance le prédisait mais que ce soit aussi vénère, faut quand même voir le climax du film où c'est un espèce de die-hard où tu vois le personnage principal qui va te défoncer la gueule à tout le Bah monde ouais, non mais c'est ça, dans un c'est immeuble. The Purge, tu peux faire ce que tu veux. Et moi, en fait, l'idée me terrifie, mais en même temps, curiosité malsaine, c'est parce que tu peux faire tellement de choses avec ça. Et Tu peux le décliner dans tous les genres de films, tu peux le décliner dans tout, tu peux tout faire une avec. rom-com dans la Mais oui, purge. mais c'est trop bien. Mais tu peux faire une rom-com, tu peux faire un truc à la Ocean's 8, tu peux faire un truc avec des hackers, tu peux faire un truc, tu peux faire plein de choses, tout est possible. Et c'est ça Et qui est trop bien, mais qui en même temps fait trop peur. le alors Tu peux faire ça Caché avec Daniel Auteuil, tu peux faire plein de trucs. petite info Bah, petite info cadeau. Petite info cadeau, vas-y. Peut-être que Nouvelle ça avoir. c'est en pourparleur, c'est comme on dit, Pour parler. pour parler. Pour Oula, parler. T'es c'est resté quoi dans l'accent cette américain. On aura certainement Sly, Sylvester Stallone dans le 5. Ah, mais il va y avoir un 5? Ouais. Je savais pas qu'ils allaient et continuer à il y faire des aura films vu qu'il y avait la série maintenant. J'étais très déçu, je pensais que t'allais dire bah, sûrement Sly dans salle 5 42 les membres. Ah mais il est on là. L'accueille, on Il l'accueille pour le arrive. prochain épisode, stay tuned. Mais il est même pas pour le prochain épisode, il arrive là on Et applaudit il est là Sylvester et on Stallone. l'applaudit, bravo Sylvester. Adrien. Sylvester. Je voulais dire un surnom de Sylvester mais j'ai pas trouvé. J'ai voilà, c'est nul. Ben voilà, il est nul. reparti. Il est reparti, voilà. il a été vexé, je suis désolée, j'ai gâché cette belle entente franco-américaine. Mais oui, donc l'idée de The Purge, très vite, deux films qui me font peur, un pour une scène en particulier, un film japonais adapté d'un manga qui s'appelle Gantz, le premier film, parce qu'il y en a eu deux, trois, de Shinsuke Sato, et en fait l'idée de Gantz très vite, c'est deux personnages, deux potes, qui meurent écrasés par un métro, et ils se réveillent dans une pièce avec d'autres gens, toute blanche, et dedans il y a une grosse boule noire qui se fait appeler Gans et qui les ordonne d'aller tuer des aliens pour récolter des points. Et dès que t'as 100 points, et ben tu peux choisir soit de ressusciter, soit de faire revivre quelqu'un d'autre. La scène qui me fait peur dans ce film, c'est une scène de métro, et après avoir vu ce film, j'ai pas réussi à prendre le métro pendant 2 semaines tellement j'étais effrayée. C'est des gens qui sont dans un métro, tranquille, et il y a des aliens qui débarquent, enfin des aliens, c'est des humains quoi, ils ont des formes d'humains, qui débarquent et qui tuent tout le monde dans le métro, sans raison, sans pitié, sans rien, tu vois tout, c'est horrible, ça m'a fait peur. Voilà, mais cela dit, j'adore Gantz, je trouve le manga très bien écrit, et le film est... bonne adaptation. Attention, connerie de Victor dans 3, quelle 2... vanne va-t-il nous faire? Bon, ces aliens-là, ils mettent le bazar. Mais ça, c'est une référence un peu obscure. Je l'ai pas. Bon, je l'ai pas non plus. Voilà, vous avez jamais regardé TFU, Alien Bazar, tout ça? Oh ah. Alien Bazar. Oh là là là là là. Mais c'est vrai qu'ils mettent un gros dawa et que ça m'a terrifié du métro. Ils sont zinzin, tes références. Hein. C'est les zinzins de l'espace. Ça me fait aussi un peu peur, les zinzins de l'espace. Ils étaient un peu chemin. Bud, surtout. Tous. Ce qui me faisait plus peur, c'était le générique. La musique, je la supportais T'as pas. Je sais que c'est Iggy hip-hop. Pop, tout ça, mais voilà, bref. Et un autre film qui, inexplicablement, me fait peur. Des révélations pour. Oh merde! J'ai pas suivi. Ils font des blagues dans mon dos. Non, mais il savait pas que c'était Iggy Pop, donc il apprend à l'instant que Ah oui, mec c'est qui Iggy fait Pop la qui fait la chanson du générique des Seins de l'espace. On reste dans le dessin animé, du coup. C'est plus drôle que toutes nos vannes durant tout l'épisode, quoi. Il va pas s'en remettre. On reste dans le dessin animé, du coup, Attends, je suis en train de me refaire la musique dans ma tête et je me dis, c'est Iggy Pop qui a fait ça. Ouais. C'est incroyable. Et alors, c'est fou. Pour en revenir dans le thème générique de dessin animé, c'est The Cure qui fait le générique de Chasseur de Dragons. Oui, mais ça, c'était génial. Ouais. Voilà. J'ai envie de sourire de ce dessin animé. Là, je suis remontée dans ma vie, j'ai eu un Et il y avait le film d'animation Chum en 3D avec Patrick Timsit et Vincent Ladon. Il passe souvent à la télé en plus, celui-là, je le vois tout le temps. Wall-E de Andrew Stanton. Pourquoi? Alors le film, il fait pas peur, clairement ça fait pas peur, mais juste l'idée d'être de y a plus personne sur la Terre et t'es tout seul et tu ramasses des et en plus le film, il est un peu, il y a ce truc mystique, mystérieux, un peu comment dire, un peu hors du temps et tout. Enfin, ça me terrifiait quand j'étais gamine et j'ai vraiment du mal avec ce film parce que ça y a un truc bizarre en fait. Mais le film est optimiste par rapport à ça. Bah oui, mais moi j'étais alors très négative sûrement quand je l'ai vu parce que je voyais que juste c'était, il y avait personne, la Terre elle était, c'était, tout le monde était mort et il n'y avait plus rien et c'était horrible. Ça c'est à cause des gens qui sont devant leur canapé devant Netflix, ça, comme le film le montre. C'est à cause de... parce que l'Amazonie brûle, les gens mangent trop de viande et le plastique. Voilà, le pire c'est que c'est une blague, mais en même temps c'est un peu vrai. Donc voilà. Mais oui, du coup, en vrai, ça me faisait trop peur. Voilà, c'est tout. Et j'en ai oublié un. Rien à voir. Aucune transition. Voilà, comme ça. Tom à la ferme, de Xavier Dolan. Qui juste me fait trop peur, parce que là, c'est un drame psychologique, en fait. Et c'est juste... Il me fait trop peur, ce film. D'autant plus que... Alors, on va dire ce qu'on veut, mais je trouve que Xavier Dolan est très bon dedans. Et en tant qu'acteur, je parle bien évidemment. Et ouais, on du va coup, pas ça, complimenter sa coupe de cheveux dans ce film. Ouais. Mais il se donne à fond, tu vois, dans le personnage. Et il me fait trop peur ce film. Enfin, psychologiquement, ça me. Il me met mal à l'aise et il me fait peur et voilà, je suis pas bien quand je le regarde et j'ai en même temps il est exceptionnel, j'adore ce film, il est très bien écrit, très bien filmé, il est fou, évidemment c'est Dolan, mais j'ai pas envie de le revoir, tu vois, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la même sensation que j'ai eu quand je l'ai regardé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce qu'on a fait quand même une liste, une grande liste. Bah, moi un truc qui est pas du tout dans le film d'horreur mais qui me faisait bien flipper. Et vous allez voir que c'est vraiment rien à voir avec ce film d'horreur. J'ai dit Wally, hein, donc vas-y. C'est hein. Le logo de THX avant oh le film au mais cinéma. Oui. Moi, je bouchais mes oreilles voilà. Et je fermais mes yeux très bah, fort. C'est pareil, j'étais pareil, oui. Ce putain de... Le pire, c'est quand... je ne citerai pas de nom, mais quand les personnes avec qui j'allais au cinéma voulaient absolument se mettre sur les côtés, là où il y a les enceintes, et que c'était horrible, moi j'étais en mode... Parce qu'il y avait ce putain de robot où t'avais oui, l'impression qu'il volait dans la salle et qui tout. Faisait... Et... Voilà. Comme ça, et je le fais très bien. je me lance des fleurs. C'était affreux. Ah, c'était horrible. Génial. Alors que alors, maintenant ça n'existe plus, mais, le logo THX. Bah, il... si, mais plus... Enfin, plus au Kinépolis, parce que nous, on est du nord, Et Kinépolis l'homme le faisait avant. Maintenant ils ne l'ont plus et maintenant toi, je le regrette un peu, tu vois, je me dis ça pourrait être marrant de le mettre mais c'est un truc de notre enfance, tu vois, ouais. Faut que ça reste dans le passé, c'était très et bien mais ouais ça faisait peur hein. Au même niveau que les screamers, que la Green Head et tout. Franchement au même niveau, sauf que là je savais à quoi m'attendre. Ben voilà, vous avez Amaury, t'as un truc à rajouter pour compléter cette liste géante? Moi, l'arrachage de cœur dans Indiana Jones et le Temple Maudit, c'est quand même une image horrifique qui gravait quand même dans nos esprits. Et... Je pensais que t'allais parler de l'arrachage de cœur dans Rambo 5. Je pensais que t'allais... Non, j'ai pas vu Rambo 5. Je pensais que Victor, toi, t'allais dire que tu pensais qu'il parlait de l'arrachage de cœur dans Les Simpsons. Parce qu'il y en a aussi dans Les Simpsons. Quand une meuf arrache métaphoriquement, mais elle le fait vraiment dans le cœur de Laura Bart. Quand... la fille de Rainer Wolfcastle, non? Non. C'est pas dans la saison 4. C'est quand Bart est amoureux de sa voisine. C'est pas la c'est soit la fille du révérend, soit la fille de l'acteur. Non. Je suis sûre ça. Ce n'est pas ça. C'est la fille de c'est Laura qui a c'est une ado que Bart rencontre et Bart il a un crush sur elle. Il la retrouve dans sa cabane ouais, un soir. Ouais c'est ça. Et elle lui dit qu'elle sort avec Jimbo et Bart métaphoriquement s'imagine qu'elle lui arrache le cœur. Ça me faisait peur ça poubelle. Aussi. Et oui, ça me fait. Mais c'était pas la fille du révérend ou un non, truc comme ça. Non, elle, c'est Ellen Lovejoy qui est doublée par Meryl Streep en VO d'ailleurs. Oh, ok. Voilà. Je m'y attendais pas à cette info. T'as mes foisons d'infos inattendues dans cet épisode. Bah voilà, merci. J'espère qu'on vous a donné plein d'idées pour une potentielle soirée film qui fait peur ou juste comme ça pour le kiff. Parce que. Ouais, je crois qu'ils vont en avoir rien à foutre. Non exhaustive, mais une très longue liste. Ils vont en avoir tous rien à foutre de tous les films qu'on a dit. Ils vont dire on va regarder Alien Temple. Exactement. J'avoue, ce qu'ils vont faire, j'allais dire, je vais récapituler dans la description, mais je crois que je vais juste écrire regarder Alien Temple en description. Juste ça. Comme ça intriguera les gens, ils cliqueront. mais voilà, bah merci à vous d'avoir, merci à toi, de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous mettre une note, un avis, un commentaire sur iTunes, sur ailleurs, sur où vous voulez. Nous suivre sur Twitter @S5P42. Nous suivre sur toute plateforme de podcast qui existe, que vous utilisez pour être au courant du prochain épisode qui sortira, le prochain rattrapage. Ce sera le prochain épisode qui sortira, le rattrapage d'octobre. Et ben à la prochaine fois. À la prochaine. Et joyeux Halloween. Joyeux Noël. Merci Victor. shrilly screams. They'll sneak from their sarcophagus and just won't leave you be. Bags of bones seem so unsafe, it's semi-serious. Spooky, scary skeletons are silly all the same. They'll smile and scrabble slowly by and drive you so insane. Sticks and stones will break your bones, they seldom let you snooze. Spooky, scary skeletons.